Chapitre 8e. Aussitôt, un inexprimable fracas emplit la vallée. Tous les canons qui garnissaient les proues venaient de partir à la fois. Une volée de boulets, passant par-dessus le village, fauchait les arbres énormes. L'écho renvoyait des mugissements, toute l'île semblait frémir. Devant cette manifestation terrifiante de la puissance des Blancs, les Caraïbes étaient tombés à terre, tremblant de tous leurs membres, croyant au passage de la mort et n'osant plus bouger. Le spectacle qu'ils eurent en relevant les yeux n'était pas pour les rassurer. Ce qu'avait annoncé Ganagari se réalisait. Christophe Colomb, car c'était lui qui revenait, suivant sa promesse, abordait au rivage, non plus comme un ami, mais comme un maître, et pour une prise de possession énergique. Les carabelles, rangées en ligne, faisaient devant le village un mur redoutable. Des soldats, le mousquet au poing, en descendirent d'abord, qui vinrent se ranger sur la plage. Puis Colomb, suivi d'un état-major d'officiers en grand costume. Parmi ces officiers, outre les deux frères de l'amiral, Don Diego et Don Barthélemy, et un de ses parents, Jean-Antoine Colomb, le capitaine Torres et le lieutenant Bernard de Pise, violents matelots basanés, tranchés au milieu d'un groupe de gentilshommes, les nobles seigneurs d'Alonso d'Ojeda, Ponce de Léon, Corvalan, Pedro de Arana, Méndez, Don Pedro de Margarita, Fieschi, Alonso Sánchez de Carabajal. Enregistrant par un Florentin, Amerigo Vespucci, qui n'était pas noble et qui, ouvrier de la dernière heure, n'en devait pas moins donner son nom au Nouveau Monde. Plus de 500 matelots armés les entouraient. Il en était resté autant sur les navires, sans compter les prêtres, missionnaires et moines, fort nombreux, les femmes et les enfants. Car Christophe Colomb, nommé par Ferdinand vice-roi des pays qu'il découvrirait, avait demandé et obtenu tous les éléments nécessaires pour y constituer une colonie. Les Indiens considéraient de loin ce spectacle imposant. Nul n'était si hardi que d'approcher. Enfin, quand l'amiral eut planté dans le sable le drapeau espagnol, qu'officiers et soldats saluèrent d'acclamations, Ganagari s'avança, gémissant et boiteux, dans l'attitude d'un suppliant. L'amiral l'arrêta du geste, et mimant à mesure ses paroles, il dit d'une voix sévère : Je te reconnais, et toi au moins tu dois me reconnaître. L'autre saison, je suis venu à vous comme un père chez ses enfants. Je vous ai laissé des soldats et des prêtres, établis dans la baie voisine, là-bas, vers le sud. Hier, nos vaisseaux ont abordé à cette baie et nous avons trouvé leurs navires détruits, leur fort en ruine. Nos cris n'ont pas été entendus. Que sont devenus nos frères? Qu'en avez-vous fait? Réponds franchement, si tu ne veux que notre justice s'achève en extermination. Les Caraïbes comprenaient à cette heure à quel point ils avaient été fous en se laissant entraîner par une femme furieuse. Ils maudissaient leur victoire que leur mort allait expier. Soit, se disait Anacoa. Qu'ils m'attachent, s'ils le veulent, au poteau de supplice. Je suis vengé, et nos morts sont contents. Ganagari, se traînant, va se jeter aux genoux de Colomb. Hélas, nous sauvera-t-il? Murmuraient les Indiens, ou ne va-t-il chercher qu'à se sauver lui-même? Telle paraissait être sa préoccupation, car il commença ainsi. Grand chef des visages pâles, ta colère est juste, mais elle ne doit pas tomber sur moi. Il ajouta. Pas plus que sur ces malheureux qui m'entourent. En prononçant ces paroles, ils étaient levés et avaient désigné les Indiens d'un geste circulaire. En même temps, d'un clignement d'yeux significatif, que soulignait son index levé, il avertissait Anacoua de ne pas s'étonner de ce qu'il allait dire. Il reprit. « Je vous aime, moi, et tous ces hommes vous aiment aussi. Le seul coupable fut le cacique Kawabo, et vous ne sauriez punir celui-là car son âme a déserté sa poitrine. » « Où veut-il en venir ?» se demandaient les Indiens. Anacoua les avertit d'écouter en silence, et Ganagari continua, soutenant en face le clair regard de l'amiral. « Au moment où vous avez, pour la première fois, mis le pied sur cette île, le cacique nous avait rassemblés au carbet. Les visages pâles, nous avait-il dit, vont vous demander de l'or, comme j'ai vu qu'ils ont demandé à nos frères de l'île voisine. Accueillons-les bien, mais répondons-leur que l'île ne contient pas d'or, et trompés dans leur espérance, ils s'en iront bientôt pour ne plus reparaître. Nous avions juré de lui obéir, et nous l'avons fait. Nous avons menti, car notre île contient de l'or, et plus qu'il n'en faudrait pour charger tous vos vaisseaux. » Un frémissement parcourut les rangs des Espagnols. Anacoua écoutait, de plus en plus curieuse. « Nous vous avons menti, » répéta le vieillard, « mais notre serment nous y forçait. Ma fille, elle, aimait le capitaine que tu as ensuite laissé au promontoire. Elle ne sut pas lui cacher la vérité. Pour s'assurer de ce qu'elle disait, le capitaine fouilla les sépultures de nos ancêtres, où il trouva des fétiches d'or. Nos huttes, où il trouva des parures d'or. Sur quoi, voulant nous punir de lui avoir menti, il nous soumit à la torture et tua le cacique. Épouvanté de sa fureur, craignant la mort pour tous les miens et pour moi, je lui avouai alors que la montagne qui ferme l'horizon du côté du couchant n'est qu'un bloc d'or. Je lui conduisis, lui, ses prêtres et ses soldats. Mais nous y étions à peine arrivés, que les guerriers de cette tribu, ayant appris ces choses, accoururent, surprirent vos frères désarmés et les égorgèrent sur la mine à peine entamée, comme ils avaient égorgé les soldats laissés au fort avant d'y mettre le feu. Ce massacre achevé, ils ramenèrent ici le capitaine pour le tuer sur la pierre des sacrifices. Je m'efforçai de les en détourner. Mes paroles ne furent pas écoutées. Mon fils Tabouaka, mon orgueil, fut tué en défendant le capitaine. Je fus blessé moi-même, et l'on m'eût tué aussi peut-être si vous n'étiez survenu. » Il s'arrêta, gémissant. Colomb hocha la tête. « Et maintenant, acheva le sorcier, comme les mots ne sont que de vaines résonances, je suis prêt à vous fournir l'épreuve de ce que je viens de dire. Voyez mes bras et mes jambes. » Se disait, il déroulait ses pansements et montrait ses plaies vives. « Venez avec moi, je vous ferai voir, spectacle lamentable, le corps de mon fils atteint d'un coup de javelot en plein cœur, et à côté, celui du capitaine, encore revêtu du costume de peau à franges de poils qu'il avait revêtu pour s'enfuir. » Conduit par lui, les officiers vinrent jusqu'à la pierre des sacrifices. « Pauvre Escovedo !» murmura l'amiral, qui venait de reconnaître son secrétaire. « Quelle souffrance dénonce ce visage émacié !» Bien que craignant d'avoir accusé son lieutenant d'un honteux calcul, Colomb était ému. Cependant, son émotion ne lui ôtait pas sa clairvoyance. Le récit du vieillard, vraisemblable par endroits, lui semblait suspect par d'autres. Il fit part de ses doutes à ses officiers, mais ceux-ci l'écoutaient à peine. De tout ce qu'avait dit le sorcier, il n'avait remarqué qu'une chose, à savoir que cette montagne qui fermait l'horizon là-bas était une montagne d'or. Cette idée les laissait éblouis, indifférents à tout le reste. Galingari avait bien observé cette impression. Au bout d'un silence, il conclut. Ces cadavres et mes blessures sont déjà des garanties. Je puis vous en donner d'autres. Si vous voulez songer que les cruautés des Blancs ont provoqué ces représailles, si vous daignez me promettre de pardonner à mes frères la mort de vos amis, comme je leur pardonne celle de mon fils, je m'engage à vous conduire dès demain matin aux mines d'or, où j'ai déjà conduit vos compagnons. Vous êtes armés, prévenus et n'avez rien à craindre. Pas un Espagnol qui ne fut tenté par cette proposition. Il faut, déclarèrent les compagnons de l'amiral, lui promettre le pardon qu'il demande et que les violences probables d'Escovedo nous ôtent le droit de refuser. Il faut aller voir ce qu'est cette mine. Il fut résolu qu'on y partirait le lendemain à l'aube avec tout ce qu'il fallait pour y organiser un campement et faire de la montagne le centre d'une vaste exploitation. L'amiral avait promis au sorcier l'amnistie et les tribus commençaient à respirer. Anakua cherchait toujours et toujours en vain à deviner le but où tendait le vieillard. « Si tu as voulu, lui demandait-elle, sauver tes frères d'une destruction certaine, tu y as réussi. Mais ne voulais-tu que cela? N'as-tu pas un autre espoir qui te décide à jouer encore ce rôle de traître? Attends, lui répondit le vieillard, les faits parleront. » Pendant que Colomb faisait avec ses frères le relevé des côtes et dictait la relation où était puisé ce récit, pendant qu'une partie de ses officiers explorait l'île, les équipages, allumés par l'aspect de la montagne merveilleuse, faisaient en hâte les préparatifs ordonnés. Toute la journée se passa à rassembler les outils et les armes nécessaires au défrichement et à la défense. On démontait des canons, qui serviraient à armer un fort bâti sur la mine même. On se partageait les provisions. Tous travaillaient d'une telle ardeur que, quand le soir vint, toutes les dispositions étaient prises, l'expédition organisée dans les détails. Il avait été décidé que les mineurs redescendraient tous les mois au navire, où ils feraient fonction de matelots, pendant que leurs camarades iraient les remplacer. Bref, tout le monde était plein d'espoir, les chansons alternées avec les cantiques. « Maintenant, déclara Colomb, il faut s'occuper d'ensevelir Escovedo. » Au fait, ce pauvre Escovedo, personne n'y pensait plus. Personne n'était en train d'aller suer et à lui creuser une fosse. Aussi se rallia-t-on à l'opinion d'un officier qui proposait de l'ensevelir en mer. « Nous serons sûrs de la sorte, ajoutait l'auteur de cette motion, les Indiens ne le déterreront pas pour outrager son cadavre. » La nuit était tombée quand un cortège se forma, précédé d'un abbé de l'ordre de Sainte-Marie de la Merced, et descendit à terre. Des soldats, porteurs de torches et de flambeaux, escortaient le crucifix. Leur approche fit s'enfuir une enfant, une toute jeune fille, qui de loin semblait veiller le corps. Quatre officiers se chargèrent du cadavre mutilé du capitaine, qu'on recouvrit d'un manteau. Trois barques, emportant le prêtre, les porteurs et ceux qui les suivaient, s'éloignèrent sur les flots. La lune se levait, sanglante. De grands nuages passaient. Le reflet des flambeaux tremblait dans les vagues. Au loin, les feux du village brillaient comme des étincelles. Et là-bas, sur le ciel livide, se découpait la puissante architecture des vaisseaux. Les rameurs s'arrêtèrent. L'abbé récita une prière latine, à laquelle répondaient tous les assistants, tête nue. Il bénit l'égorgeur et deux gentilshommes agenouillés confirent au flot sa dépouille. « Qu'il repose en paix !» murmurait le prêtre. « En paix !» répétèrent les rameurs, et ils reprirent leurs avirons. Là-bas, sur la rive, Ganagari venait d'ensevelir dans le sable le corps de Tabuaka. Les Indiens qui l'avaient aidé à cette lugubre besogne étaient partis, et le vieillard demeurait là, immobile, songeant à sa fille restée sans sépulture. Un sanglot lui fit tourner la tête. C'était un Akua. La veuve du cacique pleurait sur celui qu'il avait tant aimé, et elle aussi songeait à ceux qui restaient sans sépulture, recouverts seulement du flot de ses cheveux.